S'il a enfanté, il peut aussi mourir. Nasreddin Hoxha eut besoin d'un chaudron qu'il emprunta à un voisin. Puis il rapporta le chaudron avec une petite marmite. Le voisin s'en étonna. « Ton chaudron a enfanté, » lui dit Nasreddin. Un peu plus tard, Nasreddin redemanda le chaudron qui lui fut prêté volontiers. Ne voyant pas son ustensile revenir, le propriétaire décida d'aller le réclamer. « Ton chaudron, mon pauvre ami, je n'avais pas le courage de te le dire. Ton chaudron est mort. » « Mort ? Mais Hoxha, a-t-on jamais vu mourir un chaudron ? Tu as bien cru qu'il avait enfanté. Pourquoi ne crois-tu pas à sa mort ?» La lettre pour Bagdad. Un ami s'adressa à Nasreddin Hoxha. « Rends-moi un service. Tu es cultivé, spirituel. Écris-moi une lettre pour un ami qui est à Bagdad. »« Ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps d'aller à Bagdad. » « Mais il n'est pas nécessaire d'aller à Bagdad pour écrire cette lettre. Je ne vois pas le rapport. »« Il y en a un. Moi seul peux lire mon écriture, et je n'ai pas du tout l'intention d'aller à Bagdad pour déchiffrer ma lettre à ton ami. » Ils avaient raison. Par une chaude journée d'été, Nasreddin Hoxha se rendait à un village voisin. Assoiffé, il s'arrêta à une fontaine au bord de la route. Le robinet de cette fontaine était bouché avec un morceau de bois. Il le retira et un puissant jet l'inonda de la tête aux pieds. Très en colère, il s'adressa à la fontaine. « Je comprends à présent pourquoi ils t'ont bouché. Si tu avais été gentil, ils ne t'auraient rien fait. Ils avaient raison. » N'importe où, mais pas dedans. Dans les villages, lors des funérailles, les hommes portaient le cercueil jusqu'à la mosquée, puis au cimetière. Quelqu'un demanda un jour à Nasreddin Hoxha. « Pendant la procession, de quel côté du cercueil faut-il se placer ?»« N'importe où, » répondit Nasreddin en souriant, « pourvu que ce ne soit pas dedans. »« Que fais-tu là-dedans ?» Un jour, Nasreddin Hoxha entendit des bruits suspects dans sa maison. Pensant à un voleur, il se cacha dans un placard. Le voleur fouilla partout sans trouver quelque chose digne d'être dérobé. Au moment de partir, il alla quand même jeter un coup d'œil dans le placard. Quelle ne fut pas sa surprise d'y voir Nasreddin. « Mais que fais-tu là-dedans ? » « Je me suis caché parce que j'ai honte, » répondit Nasreddin. « Chez moi, il n'y a rien qui soit digne d'être volé. » L'odeur de son imagination. Nasreddin Hoxha était seul chez lui et il imaginait qu'il se préparait un bon petit plat, un poulet avec lequel il faisait un bouillon bien assaisonné. Il n'avait pas encore mis les pieds dans la cuisine qu'on frappa à la porte. Un gamin, un bol à la main, lui dit « Excuse-moi, Hoxha, ma mère est malade. Je suis venu te demander un peu de potage. » Abasourdi, Nasreddin pensa « Mes voisins parviennent à sentir jusqu'à l'odeur de mon imagination. » Un homme de parole. Quelqu'un demanda à Nasreddin Hoxha. « Quel âge as-tu ? » 40 ans. 10 ans passèrent. La même personne l'interrogea à nouveau. « Quel âge as-tu ? » Nasreddin répondit « 40 ». « Il y a 10 ans, tu me fais la même réponse. » « Comment est-ce possible que tu aies encore 40 ans ?»« Mon cher, » dit Nasreddin, « je suis un homme de parole. Quelqu'un qui se respecte doit respecter la parole donnée et non pas en changer continuellement. Si tu me poses la même question dans 30 ans, je te répondrai encore 40. » La mort de l'âne. Nasreddin Hoxha perdit sa femme. Il était désespéré et pleurait sans cesse. Ses amis le consolaient ainsi. « Ne te laisse pas aller, c'est le destin. Nous te trouverons une autre femme, peut-être mieux que la précédente. » Et Nasreddin finit par surmonter son chagrin. À quelque temps de là, son âne mourut. Cette fois, il pleura tant et plus qu'il fut impossible de le consoler. Un de ses amis lui dit alors, « Sais-tu que tu es étrange? Ta femme meurt, tu pleures, c'est naturel, mais ton chagrin passe. Par contre, rien ne peut te consoler de la mort de ton âne. » Nasreddin expliqua. « À la mort de ma femme, vous m'avez dit, nous t'en trouverons une autre encore mieux. À la mort de mon âne, personne n'est venu me dire que nous le remplacerons par un autre. » Les fins du monde. Un ami demanda à Nasreddin Hoxha quand viendrait la fin du monde. « Laquelle? La petite ou la grande ?»« Mais, Hoxha, combien y a-t-il de fins du monde ?»« Mon cher, il y en a deux. La petite quand mourra ma femme, la grande quand je mourrai, moi. » La perle bleue. Nasreddin Hoxha avait deux femmes. Il donna, séparément et dans le plus grand secret, une perle bleue à chacune, en lui recommandant de ne rien dire à l'autre. Un jour, elles lui demandèrent laquelle était sa préférée. Alors Hoxha répondit, « Ma préférée est celle qui possède la perle bleue. » La lune au fond du puits. Par une belle nuit d'été, Nasreddin Hoxha se rendit dans son jardin, un seau à la main, pour puiser de l'eau du puits. Il se pencha pour voir si le seau était plein et fut effrayé de trouver la lune dans l'eau du puits. « Quelle catastrophe! La lune est tombée dans le puits !» Il retourna chez lui, prit un seau plus grand, espérant ainsi la sortir de là. Il fixa le seau à la poulie et se mit à tirer de toutes ses forces. Malheureusement, la corde céda et il tomba à la renverse. Un peu étourdi, il se remettait lentement du choc quand il ouvrit les yeux et vit la lune dans le ciel. Avec un soupir de soulagement, il s'exclama. « Peu importe si je me suis fait mal, j'ai réussi à remettre la lune à sa place. » Deux bouteilles, mais un homme. Une des épouses de Nasreddin Hoxha louchait. Un soir, montant la bouteille d'eau posée sur la commode, elle dit à son mari « Donne-moi une des deux bouteilles. » « Femme, j'accepte que tu voies deux bouteilles au lieu d'une. » Mais je ne voudrais pas que tu voies deux hommes dans ton lit au lieu d'un. » Je l'ai retiré et ça m'est passé. Quelqu'un demanda à Nasreddin Hoxha. « J'ai mal à un œil. Que dois-je faire ?»« Écoute, lui dit calmement Nasreddin, une fois j'avais mal à une dent. Je l'ai retiré et ça m'est passé. » Le pourboire au bain turc. Nasreddin Hoxha se rendait au bain. Il y avait beaucoup de monde. Les serviteurs tardaient à s'occuper de lui. Finalement, ils lui donnèrent une serviette usagée, un ridicule bout de savon, et le laissèrent seul. Il n'eut même pas droit à une friction. À la sortie, d'un geste de grand seigneur, il donna une pièce d'or à chaque serviteur. Un peu plus tard, il retourna dans le même établissement. Il y fut accueilli le mieux du monde. Il eut droit aux plus belles serviettes, aux savons parfumés. On l'installa dans la pièce la plus agréable, on le massa, etc. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, les serviteurs, espérant un pourboire plus important que la fois précédente, s'alignèrent et se prosternèrent jusqu'à terre. Devant leur étonnement, il précisa. « Ce pourboire, c'est pour la fois passée. » Les pièces d'or, c'était pour aujourd'hui. Si vous ne me croyez pas, contrôlez. Trois savants, de passage à Akseïr, voulaient connaître le célèbre Nasreddin Hoxha. Au cours de l'entrevue, ils lui proposèrent de poser chacun une question. Nasreddin accepta. Première question. Où est le centre de la terre ? Nasreddin, montrant l'endroit où étaient posées les pattes de son âne. « Ici. »« Comment pouvons-nous te croire ? » ?»« Si vous ne me croyez pas, mesurez. » Seconde question. « Combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel ? » ?»« Autant que de poils sur mon âne. » « Stupidité, riposta l'un des savants. Comment peux-tu le démontrer ? » ?»« Si tu ne me crois pas, compte. » Troisième question. Combien y a-t-il de poils à ma barbe ? Autant qu'à la queue de mon âne. À cette ultime réponse, tous protestèrent. Nasreddin leur dit avec calme. Vous ne me croyez pas ? Tirons un poil de la queue de mon âne et un de ta barbe jusqu'au dernier, et vous verrez que j'avais raison. Devant tant d'esprit, les savants ne surent que répondre et se mirent à rire. L'imbécile. Nasreddin Hoxha portait une caisse remplie d'objets en verre. Soudain, il trébucha et la caisse tomba à terre. Tout était là, cassé, au milieu de la chaussée. Attirés par le bruit, les badauds accoururent. Agacé, Nasreddin s'écria. « Que regardez-vous ? Vous n'aviez encore jamais vu un imbécile ?»« Laquelle préfères-tu ? » Nasreddin Hoxha avait deux femmes, l'une vieille et laide, l'autre jeune et belle. Elles lui posèrent un jour cette question. « Laquelle de nous deux préfères-tu ? » Le pauvre Nasreddin, embarrassé, répondit qu'il les aimait toutes les deux. Elles insistèrent. « Si nous étions dans une barque et tombions à l'eau, laquelle sauverais-tu ? » À son habitude, il trouva la réponse appropriée. S'adressant à la femme âgée, il dit « Toi, tu sais nager, n'est-ce pas ? » Pouvoir magique. Nasreddin Hoxha se vantait de son pouvoir magique. « Ma foi est tellement grande que si je dis aux pierres, à un arbre, de venir ici, ils viendront. » Quelqu'un lui répliqua. « Tu nous racontes des histoires. » « Pas du tout. Si je dis à ce chêne de venir immédiatement ici, il viendra. » Ses amis lui demandèrent de s'exécuter. Se tournant vers l'arbre, il ordonna. « Viens vers moi. » Naturellement, l'arbre ne bougea point. « Mes chers amis, dit alors Nasreddin, notre religion nous enseigne la modestie. Si le chêne ne vient pas à nous, nous pouvons aller au chêne. » Le paysan idiot. Nasreddin Hoxha avait pour mission d'apporter 10 oies à une personne du village voisin et de lui remettre en main propre la lettre d'accompagnement. Avant de partir, il dit à sa femme « Prends une de ces oies et cuisine-la pour le repas. » Arrivé au village, il donna la lettre et les oies que le destinataire se mit à compter. « Il n'y en a que 9, tu devais m'en remettre 10. » Mais Nasreddin soutenait qu'il y en avait bien 10. Agacé, l'homme dit « Je vais appeler 10 hommes et donner une oie à chacun. Ainsi nous saurons s'il y en a 9 ou 10. » La distribution terminée, un paysan n'avait évidemment pas d'oie. « Tu as constaté, Hoxha, qu'il y en a 9. » « Mais pas du tout, renchérit Nasreddin. J'ai seulement constaté que cet idiot de 10e paysan n'a pas été capable de prendre son oie et l'a laissé s'échapper. » Le songe. Une nuit, Nasreddin Hoxha se réveilla et appela brusquement sa femme. « Femme, apporte-moi vite le reste du helva que tu as fait hier soir. » De mauvaise grâce, elle obéit. Quand il eut terminé le gâteau, elle lui dit « Ce n'est pas la peine de te réveiller pour le manger, tu l'aurais eu demain matin. » Et lui « Mieux vaut un œuf aujourd'hui qu'une poule demain. On ne sait jamais, le gâteau aurait pu disparaître dans la nuit, il est mieux dans mon estomac. » Lu par Sabine pour Audiocité, sous la licence Art Libre.